La question qu'on se pose, bien sûr, c'est oui ou non, abandonnez-vous la chanson? J'arrête. J'arrête de chanter. Il y a quand même des raisons d'abandonner. On n'abandonne pas comme ça, on laisse pas tomber le public, selon la phrase consacrée. Vous le faites pourtant. Il y a 15 ans que je chante. Oui. Que c'est marrant, personne n'a voulu que je débute et personne ne veut que je m'arrête. Mais là, j'ai envie de respirer un peu. Je pose avec le cœur électrique, d'humeur électrique. Envie de crier, mais je reste meilleur à l'écrit. Je suis pas d'aplomb, les idées sombres comme les catacombes. Peu de sourire, tu veux t'ouvrir, oublie pas ta cons. Poto, j'ai mes torts, j'ai trop donné de mon temps. Sans rien attendre, sans demander de mon temps. Mais ce gars-là est dead, rest in peace. Égal à moi-même, je récidive. Nique leur promesse, leur récidive. Vrogne, on s'aime, on se déchire, on sépare. Puis, je cramerai mon encéphale pour que son nom s'efface. Les vrais potos se font rares, les absences multiplient. Je fais couler mes larmes, l'absinthe donne multifruit. Viens Tintin, on rappe comme à l'ancienne. Avec le cœur, avant que tout parte en 7. Su, avant que les chiffres s'en mêlent, avant que mes rimes s'enrayent. C'est un son pour les oreilles, pas fait pour danser. Su, changerai pas le fusil d'épaule. Mon rap c'est le reflet d'une triste époque. Je me contente pas d'ouvrir les portes. Je veux que ça craque, que ça pète à max. Poto reste calme, pour un regard on peut te niquer ta race. Je reste un homme, pas exempt de tout reproche. Chez nous les gosses, c'est à l'esprit avec un tour de crosse. Écoute, je te gosse, un texte de plus pour moi c'est pareil. Au fond le rap c'est moi, je peux pas m'en séparer. Moi, j'ai marché si près de l'averse. Joie, avant que mes 16 me rappellent la veille. Noir, un verre, un pet, j'oublie tout. Je m'évade, je vous dis tout, s'il y a pas de demi-tour. Moi, j'ai marché si près de l'averse. Joie, avant que mes 16 me rappellent la veille. Noir, un verre, un pet, j'oublie tout. Je m'évade, je vous dis tout, s'il y a pas de demi-tour. Ça y est, j'ai passé la trentaine, j'ai des trucs qui trottent en tête. C'est vrai, je pense encore au passé. Puis t'as une vécu de passage, y'a pas de passage. Tu dans le passage, sors le passage et qui passe à Ray. J'arrive à 240, trop d'idées noires, je fais des nuits blanches. Traîne mon vécu, mais sans carrosse. T'as senti comme l'effet de baffe, je me pète le dos pour des deux balles. 7h du match, j'ai pété deux barres. Ça pue la peu, wesh, les collègues, les grosses colères. Les doigts collés, les points de suture, ouais, depuis mes débuts scolaires. Bientôt j'investis dans la brique, j'ai décollé 30 ans passés. Je rêve plus de rentrer dans la brique, je veux juste mettre ceux que j'aime à l'abri. Et je me dois de raconter tout ça, pas rien qu'ici tout savent, même moi la tête de moi, je sais wack. La musique c'est de la merde, gros le malheur qui est en bas de chez Wam. Ça fait nique son grand-père, c'est père. T'inquiète, sans rancune on sépare. Frère, un tas de trucs que tu sais pas. Parce que la boisson donne des ailes. Envoie le vodka Red Bull. On veut tailler dans ton désert, y'a pas le bonheur à l'arrêt de bus. Bah ouais, mon pote, tu veux m'empaumer. Quand tu me vois, tu fais pas l'homme. J'pense à ta meuf la pauvre qui disait j'kiffais pas l'or. J'ai même pas de carte visa. L'amitié c'est pas du rap, j'ai plus confiance en quatre visages. J'vois bien du monde changer. Ils vendraient père et mère et pour se refaire faudra songer. Allez, j'déballe sans gêne. Le stress fait perdre mes vœux. J't'étonne si j'débarque sans gel. Ça fait longtemps que j'suis pas type. Rien à péter du rap, ouais, mes peines tu compatis pas. Moi, j'ai marché si près de l'averse. Joie, avant que mes 16 me rappellent la veille. Noir, un verre, un pet, j'oublie tout. J'm'évade, j'vous dis tout, s'il y a pas de demi-tour. Moi, j'ai marché si près de l'averse. Joie, avant que mes 16 me rappellent la veille. Noir, un verre, un pet, j'oublie tout. J'm'évade, j'vous dis tout, s'il y a pas de demi-tour. J'ai marché si près de l'averse, avant que mes 16 me rappellent la veille. Un verre, un pet, j'oublie tout. J'm'évade, j'vous dis tout, ici y'a pas de demi-tour. J'ai marché si près de l'averse, avant que mes 16 me rappellent la veille. Un verre, un pet, j'oublie tout. J'm'évade, j'vous dis tout, ici y'a pas de demi-tour.